l'époque des châtaignes. Chez notre oncle, on passait notre tonton Kerniolène, qui toujours souriait. La casquette de travers, le menton en galoche, mis à part deux, trois trous, n'avait rien dans ses poches. Derrière ses gros verres opaques, il ne devait pas voir plus loin que la queue de son chien, qui du matin jusqu'au soir traînait toujours dans ses pattes, compagnon du regard, fidèle comme son ombre, pure lignée de bâtin, par l'univers de tonton. Tenait dans un carton des bretelles un soufflet de chansons et trois danses. Au son de l'accordéon, le bonheur de tonton s'échappait du caisson des bretelles un soufflet de chansons et trois danses dans sa boîte à frissons. C'est dans son humble chaumière, au sol, en terre battue, qu'il nous servait son cidre amer, accompagné de petits lus. Sur sa vieille table bancale, aux quatre pieds vermoulus, nos verres auréolés au lait attendaient d'être bu. Chacun se forçait à boire l'élixir fait maison, pendant que lui égrenait sur la nacre de ses boutons des mélodies d'antan de ses doigts déformés, des ronds venus de Saint-Vincent au feu de cheminée. Et l'univers de tonton tenait dans un carton des bretelles un soufflet de chansons et trois danses. Au son de l'accordéon, le bonheur de tonton s'échappait du caisson des bretelles un soufflet de chansons et trois danses dans sa boîte à frissons. Allez. À l'époque des châtaignes, chez notre oncle on passait tonton Kerniolène qui toujours souriait. À l'époque des châtaignes, chez notre oncle on passait notre tonton Kerniolène qui toujours souriait. Tonton, elle est pour toi celle-là.